saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tuko na salimia kila moja wenu mujina la Yesu Kristo. Nous saluons les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia banduku na madada ambao wanafuata kupitia mtandao. Nous vous souhaitons un meilleur entendement de la parole. Tuko na mtakia kusikia kuzuri kwa neno la Mungu. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame njoo usome wa neno. Mu kitabu kya Walawi Levitique au chapitre 25 Walawi makumbi na tano dans son verset voilà. Mu mustari yake makumbi mbili na tisa. Nous prendrons aussi Deutéronome chapitre 15. Tout à l'heure, Athéna, Kumbukumbu, la Torah, Makumi, Natano. Dans son verset 16. Moumoustari, Akiakumi, la Sita. Jusqu'au verset 17. Oufika, Pakana, Moustari, Yakumi, la Saba. Père Céleste. Baba, Liejumbinguni. Nous te disons. Merci Seigneur. Tout qu'on a ces marchands et bois. Pour ce temps que tu nous accordes. Joy wakati tenu en tupatia. De venir encore écouter une fois ta parole. Joy akuya tena mara ingine kushikia neno lako. Dispose nos âmes à recevoir la portion du jour. Upate kutayarisha manafsi yetu njoo kupokea sehemu ya siku. Chasse en nous toute forme d'incrédulité. Fukuza ndani yetu aina yote ya kutokuamini. Toute forme de résistance. Aina yote ya kukangala. Toute forme de rejet. Aina yote ya katala. Mais que le Saint-Esprit incline nos cœurs. Lakini Roho Mtakatifu ipate kuinamisha mioyo yetu. Dans une obéissance parfaite à ta parole. Mutifu kamilifu kuneno lako. Nous avons besoin d'un véritable salut. Tunahitaji okovu ya kweli. Ce véritable salut qui est accompagné de la véritable vie de Christ. Ile okovu ya kweli yenye kushindikizwa na maisha ya kweli ya Kristo. Personne ne peut le faire en nous. Hakuna mtu mwingine anaweza kufanya ndani yetu. C'est ton œuvre, Père. Ni kazi yako Baba. Fais-le pour la gloire de ton nom. Uifanye njoo utukufu ya jina lako. Béni chacun de nous de manière particulière. Ubariki kila mmoja wetu munana kipekee. Souviens-toi des frères et des sœurs qui sont en ligne. Ukumbuki hata banduku na badala ambao wanafuata kupitia mtandao. Élève-nous dans les lieux célestes. Na utunyanyule pale pa mbingu ndani ya Yesu Kristo. Béni la parole qui sera lue. Ubariki neno itasomewa. Au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Lévitique 25. Walawi makumi mbili na tano. Verset 29. Mustari yake ya makumi mbili na tisa. Si un homme vend une maison d'habitation. Kama mtu anauzisha nyumba ile kuna keti. Dans une ville entourée de murs. Mumuji yenye kuzunguka na ukuta. Il y aura le droit de rachat. Atakuwa na halali ya kukomboa ile nyumba. Jusqu'à l'accomplissement d'une année depuis la vente. Kufika na wakati mwaka mmoja tena atangia pale baliujishia. Son droit de rachat durera un an. Halali yake ya ukombozi itafanya mwaka mmoja. Dans Deutéronome chapitre 15. Kumbukumbu la Torah. Dans son verset 16, si un esclave te dit, kama mutumwa anakwambia, je ne veux pas sortir de chez toi, sipende kutoka kwako, parce que je t'aime, sababu nakupenda, toi et ta maison, weye pamoja na nyumba yako, et qui se trouve bien chez toi, na anapatikana mzuri kwako, il se sent à l'aise, anajisikia eko huru mnyumba yako, il pense qu'il est béni dans l'esclavagisme, anazania kwamba anashabarikiwa mune mbutumwa. Alors tu prendras un poinceau, sasa pale utabeba chuma kimoya, et tu lui perceras l'oreille, na utamtobola sikio, contre la porte, kumulango, et il sera pour toujours ton esclave, na atabakia kwa lote mtumwa wako. Tu feras de même pour ta servante, na utafanya vile vile hata kwa kijakazi wako. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu engeze baraka kusomea neno lake. Les maisons qui se trouvaient dans des murs, manyumba ilianza kupatikana mu maukuta, pour leur achat, njoo ukombozi, pour leur achat, njoo ukombozi yayo. Une seule année était suffisante, mwaka moya ilitosha. Dépassé cette année, kama mwaka moya inapita, la maison restait à l'acquéreur pour toujours, na nyumba ilianza kubakia kwa ule aliyuzaka kwa loti. Même au jubilé, hata mwaka jubilé, cette année ne pouvait plus être rachetée, ile nyumba haikuwezi tena kukombolewa njoo jubilé. Bien-aimés frères et sœurs, mpendwa ndugu na dada, c'est tous nous qui avons cru ce message du temps de la fin, zaidi zaidi shie benye kuamini ujumbe wakati ya mwisho, le message de Laodice, ujumbe ya kizazi cha Laodikia, l'âge dans lequel Dieu a révélé toutes choses en détail, mukizazi mule Mungu alifunua vitu vyote katika upana, un âge de grande connaissance, kizazi cha kufahamu kwa mingi, lorsque vous croyez à ce message, wakati ile mnaamini kwa ujumbe, arrange-toi le plus tôt possible, ujitayarishe kabisa kabisa kwa haraka, pour faire de véritables expériences rapidement, njoo au kufanya maonjo ya kweli kwa haraka. Repentez-vous, pate kutubu, naissez de nouveau rapidement, zalika mara ya pili kwa haraka, soyez baptisés du Saint-Esprit, ubatizwe na Roho Mtakatifu. Sinon, si vous traînez longtemps dans ce message, kama ina vile unakawa mashikwa mingi mwe ujumbe, tu fais beaucoup d'années dans l'église avec ce message, unafanya miaka mingi mwe kanisa na hii ujumbe, ton salut sera hypothétique, okovu yako itakuwa ya bongo. Vous risquez de rater l'enlèvement, unawezi kupusa hata kunyanyuliwa. Vous risquerez de manquer la nouvelle naissance véritable, unawezi hata kushinda kuzaliwa mara ya pili kwa vya kweli. Vous manquerez d'expérimenter le véritable Saint-Esprit, utashinda kuonja Roho Mtakatifu vya kweli. Pourquoi? Njua nini? Tu auras tellement une grande connaissance, sababu utakuonesha kujua vitu ya mingi, des mystères de la Bible, unesha kujua masiri ya Biblia, que ton intellect, na akili yako amkichwa, te fera croire que tu es déjà né de nouveau, itaanza kukuaminisha kusema ushakuzaliwa mara ya pili. Tu as le Saint-Esprit, itaanza kuambia sema uko na Roho Mtakatifu, pendant que tu es un païen, mwili wakati uko tu mpagano kabisa. Un incrédule. Mwakuto kwa mini. Un homme, une femme irrégénérée. Mwanamuke, mwanaume, washipo kuzali kwa. Me bourré de la connaissance de la Bible. Anesha kuyala na ufahamu ya Biblia. C'est ça le danger. Njo atari. Votre salut. Uko vienu. Peut s'éloigner de toi. Inezi kwenda mbari kabisa na wewe. À cause de la connaissance. Kwa ajili ya ile ufahamu. Que tu reçois dans ce message. Ile kunapokea moyo ujumbe. Comme il fallait une année pour acheter cette maison. Sabile il fazali mwaka moya ndio upate kukomboa nyumba yako. En dehors de cette année là. Inja ili mwaka. La maison restait pour toujours chez l'acquéreur. Nyumba ilianza kubakia kwa lote kwa ule aliinunua. Si tu ne tires pas attention. Kama aukebe angi ausopoke. Vous pensez que le message c'est une dénomination? Wewe unadhania kwamba ujumbe ni zebu? Vous aurez une fausse naissance. Utapata kuzalikwa upya kwa bongo. Une fausse expérience du baptême du Saint-Esprit. Onju ya bongo kuzalikwa mara pili. Et une fausse consolation. Na faraja ya bongo. Mais dans ton âme. Lakini munafsi yako. Il n'y a rien de surnaturel. Amuna kitu hata kimwaka kimungu. Tu vas continuer à fraterniser avec les frères et les sœurs. Utendelea mkushiriki na manduku na badada. Bien connu par le diacre et le pasteur. Pastore anakufamia mzuri, bashemasha anakufamia mzuri. Tu peux même avoir un bon témoignage dans l'église. Hata mwikanisa unaweza kuwa na ushuhuda mzuri. Tu peux même être diacre ou pasteur. Unaweza kuwa hata pastori wala shemashi. Mais ton âme, lakini nafsi yako, ne sera plus jamais rachetée. Kamwe haitakomboliwaka. Notez cela dans vos cœurs. Mu yandike mzuri ndani ya mioyo yenu. Pour les frères et les sœurs, juu ya banduku na badada, qui ont fait plusieurs années dans ce message, bale banaisha kufanya miaka mingi mu ujumbe, sans nouvelle naissance, bila kuzali kwa mara ya pili, c'est difficile pour eux. Miko kigumu kabisa kwabo kuzali kwa mara ya pili. D'être régénéré. Bapate kusanywa upya. Vous allez vous ériger des murailles. Mutejijengea, utajijengea maukuta, bibumbashi binene. Vous aurez toutes les prédications. Utakuwa na mahubiri yote. Vous écouterez toutes les prédicateurs. Utasikia mahubiri bote. Mais vous aurez vos propres interprétations de ce message. Lakini utakuwa na kutafsiri kwako kwa kipekee kwa ujumbe. Votre propre compréhension. Kuelewa kwako kwa kipekee. Vous aurez vos propres idées sur la parole révélée. Hata na mawazo yako mwenyewe mneno yenye kufunuliwa. De faux raisonnements viendront dans votre cœur. Mafikiri ya bongo itakuwa moyo wako. Tu seras seulement un traditionnel. Utakuwa tu wa kidini. Parce que tu t'es érigé des murs. Sababu ulijengea maukuta. Qui ne peuvent plus permettre au Saint-Esprit de parler à ton cœur. Ile airusu tena Roho Mtakatifu ifiki iseme na moyo wako. Et d'engendrer la véritable foi. Na ipate kusaidia uzalishe roho imani ya kweli. Celui qui a des oreilles pour entendre. Ule mwenye kuwa na masikio ya kusikia. Il entend. Apate kusikia. Amen. Le Saint-Esprit nous a dit. Roho Mtakatifu tuambia. Il n'y a que les pur sang. Ni paka damu safi. Des Israélites. Ya ba Israeli. Encore les enfants d'Isaac. Kabisa batoto ya Isaka. Pas les enfants d'Ismaël. Apana batoto ya Ismaeli. Pas les enfants de Ketura. Apana batoto ya Ketura. Les purs sang. Damu safi. Les enfants purs sang. Batoto ya damu safi. Sont les fils d'Isaac. Ni batoto banaume ba Isaac. C'est C'est en Isaac, ndani ya Isaac que Dieu a promis Mungu la postérité d'Abraham. Ya Ibrahim. Pas en Ismaël. Aina ndani ya Ismaël. Pas en Ketura. Aina batoto, Ketura. Batoto saba ba Ketura. Non, pana. Pana nduku. Non, sir. Pana dada. Tous les enfants d'Abraham. Batoto bote ba Ibrahim. Ne sont pas israélites. Abana ba Israël. Tous les juifs ne sont pas israélites. Ba Yuda bote abana ba Israël. C'est vrai. Ya kweli. Le fils d'Isaac, batoto ya Isaka, de la semence royale, meko ya kifalme, la semence prédestinée, meko yenye kutangulia kutayarisha, connue d'avance par Dieu, yenye kujulikana mbele kwa Mungu, sont les seuls du sang pur, ni bale tupeke badamu safi, qui sont capables d'expérimenter, na uwezo ya kuonja, la délivrance, ukombozi. Les autres, Abba Bengine, leur salut est hypothétique. Oko viabo ni ya. Dans le message Israël en Égypte, mu ujumbe Israeli mu Misri, à la page 17. Kaitasi yake kumi na saba. Au paragraphe 99, mais je commence au paragraphe 99. Je n'avais pas l'intention de prêcher, mais simplement quelque chose en moi s'est mis à prêcher très bien. Dieu appelant, Mungu akaita, choisissant, kakula. Dieu appelant, Mungu akaita, choisissant, akachakula, yen Dieu konaita, c'est lui qui appelle, na yen Dieu konachakula, et c'est lui qui choisit. Maintenant, sasa, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Dieu a nini awezi kuweka mbele ya ukweli? Pourquoi ne pas affronter la réalité? Dieu a nini aise kombanisha ukweli? Il y a des gens, kukubatu, ils ne seront jamais sauvés, point. Kamu abata ukole waka. Il y a des gens, kukubatu, qui ne seront jamais sauvés, virgule, abata ukole waka, mkatu, quoi qu'ils fassent, point. Ata bafanye kitu kani, aneka mwisho, point. C'est cela. Cela, Nivile, vous le savez, Mwajua, il y a des gens, Kukubatu, qui sont prédestinés à être perdus. Banesha kutayarishiwa njua boku potea, mka, nuta. Il y a des gens, Kukubatu, qui sont prédestinés à être sauvés. Banesha kutayarishiwa njua kukolewa mkatu akuna ya kuingeza. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés, quoi qu'il en soit. Point. Pas de raisonnement. Hakuna mafikiri. Ceux qui sont prédestinés à être perdus, benye kutayarishiwa njo kupotea, quoi qu'il fasse, ata bafanye namna kani, seront perdus. Bo batapotea paka. Pourquoi? Dieu anime. À cause de leur incompréhension de la parole de Dieu. Kwa ajili ya kushinda kuelewa kwabo kwa neno la Mungu. À cause de leur propre idée sur la parole de Dieu. Ya mawazo yabo yule ya neno la Mungu. À cause de leur interprétation personnelle ya kutafsiri de la parole de Dieu. Kwa kipekee kwa neno la Mungu. Ils se sont érigés des murs. Voilà pourquoi, dans leur fausse interprétation, dans leur incompréhension de la parole de Dieu, dans leur malentendu de la parole de Dieu, quoi qu'ils fassent, comme ils ne peuvent pas recevoir la véritable foi de Dieu, ils seront perdus. C'est pourquoi au jubilé, la pure race ni kizazi sasa prédestiné à être libéré, kenye kutayarishiwa juu kukombolewa, sera libéré. Kita kombolewa. C'est pourquoi vous voyez dans toute la Bible. Je commande mutaona Biblia yote mujima. Quand Dieu appelle quelqu'un, wakati Mungu anaita mutu, cet homme vite ule mutu kwa haraka, il fait des expériences surnaturelles avec Dieu. Anafanya maonjo ya kimungu na pamoja naye. Ça ne demande pas des années dans l'église. Ailumbake kufanya miaka mkanisa. Ça ne demande pas plusieurs mois dans l'église. Ailumbake miezi mingi mkanisa. À la Pentecôte. Pentecôte. Ils ont entendu. Yaka. Ils se les prédications. Bili tumoya. Ils se sont répandus. Banatubu. Ils se sont fait baptiser. Batiziwa. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Na Roho Mtakatifu shuka yule hapo. Ils étaient scellés dans le corps de na, Christ. Na bariwekwa mwili ya Kristo. Ils n'ont pas fait 2 ans. Aba kufanya miaka 2 hapana. 3 ans. Miaka 3 hapana. Miaka 4. 5 ans. Miaka 5. 6 ans. Miaka 6. 10 ans. Miaka 10. 15 ans. Miaka 15. Chez Corneille. Kuli kwa Corneille. Une seule prédication. Ni mahubiri moja buli. L'œuvre du salut. Kazi ya wokovu. Est-ce de la justification. Ilienda kukuhesabiwa haki. Kufika paka na kubatizwa Roho Mtakatifu. Avec l'évangéliste na mpashabari Philippe avec l'Éthiopien na ule mwethiopie dans quelques heures ikwa ni mudakika kidogo ujumbe moya yenye kuwekwa Ezaï 53 ya Ezaï 53. Un cœur prédestiné à la vie, moyenye kutayarishwa kubujima, il reçut la parole, anapokea neno, il fut baptisé, anabatiziwa. Il est reçu le Saint-Esprit. Na, akapokea Roho Mtakatifu. Il est rentré en Éthiopie. Na, akarudia ku Éthiopie. Sauvé. Mwenye kokolewa. Il est allé s'occuper de lui. Na, Mungu alienda kumungaikia kule. Saul. Saulo, Paulo. Un grand pharisien. Alikuwa mfarisayo mkubwa. Sur le chemin de Damas. Munjia Damasiki. La lumière le frappa. Nuru ikamwangazia. On amena chez Anania. Bakampeleka kwa Anania. Aussitôt qu'il a entendu la parole de Dieu, ses yeux furent ouverts, il fut baptisé, il fit une bonne expérience avec le Seigneur. Ce sont les semences prédestinées du pur sang. Dans la de la liberté mwakati parapanda ya uwe est annoncé inatangaziwa quand le jubilé mwakati le jubilé est annoncé inatangaziwa plus rien hakuna kitu ne peut empêcher kinaweza kuzuiza impur sang mutu mwenye kwa damu safi d'expérimenter le apate kuonja ukovu la délivrance ukombozi pas de calcul akukaraki hesabu. Pas de catéchisme à suivre. Akalake asema kufata mafundisho. L'enseignement vient après ma le salut. Mafundisho inakuyaka kisha okovu. Le salut vient en premier. Okovu inakuyaka ya kwanza. Le prix a déjà été payé. Bei ya ukombozi inacharipiwa. La trompette de la liberté. Parapanda ya uhuru. A déjà retenti. Inesha kuria. Jésus a dit à la croix. Yesu Kristu. Msalaba, tout est accompli. Alisema yote le salut des élus. Na okovu ya bateule. Okovu ya damu safi. Est déjà rassuré. Inesha kuya akwakishiwa. Rien ne peut les hakuna empêcher. Kitu kinaweza kuwazuiza. Juu ya kuonja. Ukombozi. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. Quand les élus entendent la trompette, wakati bateule banashikia parapanda, dans leur cœur, ndani ya mioyo yabo, il n'y a pas de doute, amkalake shaka, Il n'y a pas d'hésitation. Amukala ke kushita shita. Et bien aimé la chikia. C'est que je viens d'écouter. Il y a quoi? Et c'est la vérité. Ou c'est ton dimanche. Il y a un choix. Ou que j'observe d'abord. Que je patiente un peu. Pour elle élu. Ou à Mteoule. Il y a rien à attendre. Car il entend la parole. Dans son cœur. Dans son cœur. Une fois lui dit. C'est ce que tu attendais. Joy Lorenza Congolea. Car la vérité de l'évangile frappe ses oreilles. Automatiquement. Parle. Automatiquement. Parle tout. Sa conscience répond. Et dit, ça y est. Na anasema yo inenea. Pas de doute. Akuna shaka. Oh, chungambele. Ou patient tempé. Viens de katengeneza. J'ai arrangé. Il n'y a pas arrangé. D'abord, il y a ni kwanini. Kwanza, il doit croire. Na kubatiziwa. Être baptisé. Et ce qu'il faut arranger, ça va suivre. Il n'a pas de temps à perdre. Ana na wakati ya kupotesha. Mes brebis. Kundo yangu. Entendre ma voix. Il n'est qu'à la kamushika sauti yangu. Il la reconnaît. Na inaitambua sauti yangu. Naona. C'est ça un élu. Jo mteule. Quand un élu croit. Kati mteule na mimi. Tu peux le rencontrer pour dire. Unaweza kumbana na mwambia. Bana chunga kakombele. On patiente un peu, toi tu crois rapidement comme ça. Il dit tu ne comprends absolument rien. Sima, wow, qu'est-ce que je vais attendre? Mita ngole a nini? Je n'ai rien à attendre, c'est la vérité. Na kya kuchunga injo ukweli. C'est Dieu qui a parlé à mon cœur. Ni Mungu jua anasema na moyo wangu. Dieu conduit les pas de juste. Mungu anekalaka mkongoza matua ya benyaki. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. Mais l'esclave. Lakini mutumwa. Demeure à toujours. Anabakiaka kwa lote. Jusqu'à la fin de sa vie. Kufika paka na mwisho wa maisha yake. Il a scellé son âme. Anesha kukiwa muri kuna fiaki. Jusqu'à l'enfer. Kugena. C'est vrai. Ya kweli. Il entend. Et unashikia. La trompette de la liberté. Parapanda ya uru. Il la reconnaît. Anaitiwa mzuri. Mais il la rejette. Malakini anakataa layo. Il dit. Anasema. J'aime Satan. Napenda shetani. J'ai beaucoup de profit dans le paganisme. En étant païen, je gagne beaucoup de pagano, choses. Si je crois cette Kama, vérité, ukweli, je vais perdre les avantages mondains. Je vais perdre les avantages du monde. Je vais perdre mon honneur. C'est vrai. Non, bien quoi. Je reste d'abord. Mina bakia kwanza mdunia. Bien que c'est la vérité. Ata Biblia anesha kushikia ukweli. J'aime le monde. Mie mina penda dunia. J'aime Satan. Mina penda shetani. J'aime le péché. Mina penda zambi. Voyez. Unaona. Et quand vous rejetez. Na wakati unakatala. Vous refusez. Unakatala. La liberté. Uhuru yako. Vous avez scellé votre âme. Pale unatiwa muri kuna fiako. Pamoja na jena. Ce n'est pas Satan. Aina shetani. Non. Apana. C'est toi-même. Uwe mwenyewe. Satan est un témoin contre toi. Shetan, yeye ni mshuhuda kuhusu kwako. Anse bwana. Wewe mwenye unajionea. Ce n'est pas moi. Aina mie. C'est lui-même. Yeye mwenyewe ndio anasema. Mimi nakatala. J'aime le monde. Mimi napenda dunia. J'aime Satan. Mimi napenda shetani. Shetani anipenda. Shetani anapenda mademona yangu. Anilipenda. Anapenda mademona yangu, anapenda dhambi. Anapenda uharibifu. Anapenda ukweli. Yeye mwenyewe ndio anasema bwana. Moi je suis témoin de ce que tu as dit. Mie, mushuda na shudia bile ya risema. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Quand un homme wakati le mutu refuse la liberté. Anakatala uhuru. Refuse le Saint-Esprit. Anakatala Roho Mtakatifu. La vie de Dieu amène la liberté. Ah, maisha ya Mungu inalitaka. Bujima wa Mungu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est lui Jo. Qui nous amène la liberté. Ne tuletiaka uhuru. Quand vous refusez le Saint-Esprit, vous rejetez votre liberté. Uruyenu. Frère, Duku. Quand vous écoutez l'évangile, vous écoutez la parole, vous la rejetez, c'est fini pour toujours. Tu restes dans l'église. On a vécu tout mkanisa. Mais plus d'expérience avec Dieu. Lakini hakuna onjo hata mwana Mungu. Tu ne feras plus de progrès dans la foi. Hautakuwa na maendeleo muimani. C'est vrai, frère. Bya kweli nduku. Tu seras là dans l'église. Utakuwa tu pale mkanisa. Mais tu te perfectionnes. Lakini unaendelea dans la vie du péché. Mumaisha ya dhambi. Unajikamilisha. Tu vas commencer à mener une vie hypocrite. Utakuwa na masula mbiri maisha ya bunafiki. Une vie de dissimulation. Maisha moya ya chini chini. Vous voyez bien mes frères. Naona. Dissimulation ya kuficha mafichama. Maisha moya kuficha mafichama. Vous voyez bien mes frères. Naona nduku. Tu mèneras une vie. Utakuwa na maisha moya dissimulation. Ya kuficha mafichama. Frère. Nduku. Ma sœur. Dada yangu. À un certain moment. Mwakati mwa fulani. Tu vas commencer à trouver normal le péché. Utaanza kuona sema ni mzuri tu kutenda dhambi. Wakati mtu wakati mwanamke rejete la liberte, anakatala jubile, anakatala jubile yake, anakatala Roho Mtakatifu, anakatala injili ya wokovu, ili retrograde, anekalaka mkurudia kumkongo kuacha imani. Il devient un anti-Dieu. Ananza kuya mpinga Mungu. Un anti-parole. Mutu wa kupingana na neno. Il devient irreligieux. Anakuya wa kidini. Non. Anwenye katala kidini. Non, irreligieux. Mwapagano tu. Il n'a pas de foi. Ana na imani. Il ne croit rien. Ashamini kitu. Un irreligieux. Il ne croit rien. Ana na imani. Ashamini kitu. Kwa bien mes frères. Mnaona nduku, eko mkanisa, lakini ashamini kitu atakimoya, ashikumbanie kitu atakimoya. Quand quelqu'un rejette la liberté, wakati le mutu anakatala uhuru, il retrograde nos tests. Eko nacha imani mwanjike. Deuxièmement, kitu apiri, il devient anti-parole. Anakuya mpinga neno, contre la parole. Anaanza kumbanisha neno, l'opposant de la parole. Anaanza kuya kumbanisha neno la Mungu ya kweli. Il n'a plus de foi. Ana tena na imani. Il n'a plus de croyance. Ana tena na waminifu, ashamini kintu. Comme il ne croit rien. Sabi la shamini kintu. Il raisonne. Anaanza tu kufikiri. Saka demona tu ka shetani. Il devient froid dans son cœur. Anakuya wabaridi. Ndani ya moyo wake. Upana ya moyo wake. Il devient froid. Anakuya wabaridi. Et dans sa na vie. Maisha yake. Il devient brutal. Anakuya wa makari makari. Il a rejeté la liberté. Anesha kukatala uru. C'est vrai, frère. Ya kweri nduku. C'est vrai, ma soeur. Ya kweri dada. Son cœur. Moyo wake. Devient très froid. Nakuya baridi kabisa. Aux choses de Dieu. Bitu ya Mungu. Mais dans sa vie. Lakini maisha yake. Il devient agressif. Ananza kuya wa makari makari. Ananza kuya wa makari mwanaume. Ananza kuya wa nguvu nguvu. La méchanceté. Mbaya. Explose. Inaanza dans sa vie. Kupasuonekanika maisha yake. Il reçoit. Ananza kupokea. Un esprit d'égarement. Anapokea roho ya kupotea. Anapokea roho ya kupotea. Il a rejeté la liberté. Alikatala uhuru. Il a rejeté la vérité. Alikatala ukweli. Il a rejeté la lumière. Akatala nuru. Il se plonge pale anajitumbukiza majiza. C'est vrai. Ya kweli. Dans la profondeur. Anaingia mupana des ténèbres. Ya majiza. Il va ego nenda se plonger kujitumbukiza. Il va de plus en plus nenda zaidi dans zaidi la profondeur de Satan. Ya shetani. Oui bien mes frères. Ya kweli nduku mpendwa. Il reçoit un esprit d'égarement. Unapokea roho ya kupotea. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Dieu lui-même. Ye mwenyewe. Il vient vous mettre anakuya, un bouchon à ses oreilles. Aneka kifiniko kwa masikio yake. Pour qu'il n'entende plus la vérité. Asisikie tena ukweli. Pour qu'il ne voit plus la vérité. Ashione tena ukweli. Dieu lui-même aveugle ses yeux. Anakuwa kupofusha macho yake. Il ne verra plus la lumière. Asitaonaka tena nuru. Il devient corrompu d'entendement. Il devient perverti dans sa vie. Il devient abominable. C'est vrai, frère. Il se livre à des passions infâmes au Dieu. Ya mba kabisa. C'est vrai. Ya kweli. Très honteuse. Ya haya kabisa. Oui bien de mes frères. Ndio ndiko mpendwa. Oui bien de mes sœurs. Ndio dada mpendwa. C'est ça. Jo. Les conséquences. Matokeo ya mubaya. De la du rejet de la ya kukatala uru. L'église est avec moi. Kanisa tu pamoja. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vraiment sœur. Ya kweli dada. Rejeter la liberté. Kukatala uru. Rejeter l'évangile. Kata la injili. Rejeter la lumière. Kata la nuru. C'est vous-même qui vous pendez. Wewe mwenyewe ukunejifunga kama mshingo kujitundika. Vous suicidez vous-même. Ukunejua wewe mwenyewe. Parce que ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Sabu bala bampendaki bwana. Haïssent leur âme. Bobe kuna chukia ni nafsi yabo. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Ya kweli dada. Tu deviens irréligieux. On a quoi, washipo kwa mini. Un homme froid de cœur. Mutu mwenye kwa baridi moyo. Donc on ne peut plus être réchauffé. Moyo wako aiste na kuchua kimutu. Par la parole de vérité. Na neno ya kweli. Par l'évangile de Christ. Injili ya Kristo. Tu deviens brutal. Unakuya tu wa makari makari. Dans tes actions. Muma namna yako kutenda. Munamna yako kusema. C'est vrai. Bya kweli. Tu reçois l'esprit de Christ. Unapokea roho ya kupotea. Tu as rejeté la lumière. Sababu ulikata la nuru. Tu vas maintenant. Unaanza kwenda sasa. De profondeur en profondeur. Upana katika upana. Dans les ténèbres. Magiza. Au lieu d'aller de profondeur en profondeur. Pari pa kwenda upana katika upana ndani ya Kristo. Mais vous irez. Wewe unaanza kwenda. De profondeur en profondeur. Upana upana. Dans les ténèbres. Na magiza. Ouais. Nduku. Utafuanya nzambi. Tu vas commettre un péché. Na ile au kwanza ke kufuanya. Et les péchés que tu ne faisais même pas au début. Ambao. Quand. Urukuya ukingari kuna tembelea munuru. Tu marchais un peu dans la lumière. Au yakatala ukweli. Quand tu n'avais pas encore rejeté la vérité. C'est vrai frère. Dio, mukweli nduku. Unakatala kuzali kwa mara ya pili. Tu refuses de naître de nouveau. Unakatala kupokea Roho Mtakatifu. De recevoir le Saint-Esprit. Maisha yako itaoza. Ta vie sera pourrie, elle sera pourrie. Itanunka. Ça va dégager de l'odeur. Pale maisha itanunka. Et quand ta vie va dégager une mauvaise odeur. Je utenda kujenga mur d'isolement. Toi-même tu vas t'ériger le mur ya ukutama. Parce que partout où tu passeras. Tu es en train d'entendre les démons en train de crier sur toi. Savent les choses que tu es en train de faire. Les démons te convainquent. Disant que tout le monde, même les oiseaux, ils sont au courant de ce que tu as fait. Parce que tu as rejeté la liberté. C'est pourquoi c'est lui qui disait, j'aime mon maître. C'est vrai. J'aime sa maison. J'aime ses enfants. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime ses activités. J'aime les diables. Ça va. Ah, Mouzuri. Nous voyons des sœurs ici. Elle avait le teint tout normal. En aimant les diables. Elle est allée amplifier son corps. Au début, là, on la disait, ma soeur, vous êtes en train d'éclaircir la peau. Non, mon pasteur. Non, mon pasteur, c'est ça, ma lotion. Maintenant, elle est devenue. Elle est devenue comme une devin. Elle commence maintenant à appliquer des talcs. Oui. Non. Moutoumoua. Tu es esclave. À jamais. Kualote. Goji na kulungula. Tu as la peau. Dialote. Abîmée pour toujours. Satan n'a pas qu'on a voulant de bon. Et le diable se trompe. Il m'a foutu à mon Nigeria. Tu vois maintenant la leçon qui vient de Nigeria. Ça va aller des tâches là. On a lungula tena. On a quoi ça qui fouille, ma peau. Ça va abîmer davantage la peau. Ça devient comme les crapauds. On a fabriqué ça au Brésil. Même si la peau elle est comment, ça va arranger. Tu appliques comme ça. Et là, tu deviens maintenant comme on dirait tortille. On dirait la peau tortille. Au visage. On dirait les crapauds. C'est grave ça. Niatari. Les rejets de la liberté. Kata la ouro. Je te dis, arrête tes histoires. Pouvoir, moi, je suis mort. C'est pour te donner ouro. Toi, tu refuses. Arrête l'impudicité. Arrête la douceur. Elle dit non. Moi, j'aime mon maître. Et avec son œuvre. Au début, tu couchais même avec les prostituées. Tu commences à coucher avec les chiens et transformer même tes filles et tes enfants. Ils sont devenus même tes femmes et tes maris. Qui passe à la pita. Ou dans la pita, on a kata. Tu n'as plus de honte. Ou chaque fois, tu es dans le pana et Shétan. Pas de condamnation. Okumu tena una nayo. Pas de regret. Auna na kuzunika na yako. Pas de repentance. Hakuna kutubu ndani yako. Sababu ushakukata. La liberté. Uru. Jihadi. Unasema. J'aime mon maître. Minapenda mwanangu. J'aime sa maison. Minapenda nyumba yake. Minapenda kazi yake. J'ai déjà pointé. Unesha. J'ai déjà percé. Unesha baisha kutobola rishikio. Bien aimé frère. Dio nduku mpendwa. Bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Quelle honte aujourd'hui. Ni aya kani, Léo. Quelle honte. Ni aya kani. Un frère. Nduku. Qui vient séduire les sœurs. Et na kwa kutongoza ba dada. Une sœur. Dada. Qui vient séduire et kuna kwa kutongoza ba nduku. Ni aya kani. Frère. Nduku. Quelle honte. Aya kani. Quelle abomination. Ni makufuru kani. C'est grave, sœur. Niatari dada. C'est grave mon frère. Niatari ndugu yangu. Une sœur. Dada. Qui se prostitue? Et qu'on a fanya bundumba. Qui veut faire la prostitution? On a peine à fanya bundumba. Dans l'église. Mukanisa. Il se prostitue. Et on a fanya bundumba. Il fait la prostitution. On a fa bundumba. Dans l'église. Mukanisa. Quelle honte. Niaya kani. Quelle abomination. Makufuru kani. Est-ce que vous avez rejeté la liberté? Aburkatala uru. Urikatala kuzari kwa mala ya pili. Tu avais nakufata Roho Mtakatifu juu ya uru. Et recevoir cet esprit pour être libre. Tu as mis longtemps maintenant dans ta maison clôturée. Unaosa. Tu as pourri. Unaona kama mtu anekala longtemps mu nyumba. Unaona quelqu'un a mis longtemps dans une maison mu byumbashi. Raisonnement ina mutoka. Il n'a plus articulation tena. Anaanza kuderezo. Anaanza kufikiri mbaya. Même voir, il ne va plus voir correctement. Comment une femme qui se dit une sœur? Namna kani, mwanamuke, et on hésite à se manier à mon Christ. Elle tient à l'église. En elle, il n'y a pas de sous-vêtements. Et à cause de son esprit à Bumbumba, robe transparente, elle prend kangua, ça connaît Sangambo Nangambo, tu as pris, tu mets. Quelle abomination. Il est makufuru kani. Quelle abomination ça. Il est makufuru kani il est. Une soeur qui s'est dit croire ce message. Dada, anasema na mini ujumbe. Et qu'on a voilà ma robe transparente. Et dit, ma sans sous-vêtements. Pour venir séduire les frères. À l'intérieur, il n'y a pas de sous-vêtements. Ndiyo aye kwa kutongoza banduku. Les shemashi observaient correctement la sœur. Si vous voyez, dada, elle n'a pas de sous-vêtements, na mangwe kunonesha ngambo, mwambia kwambia, c'est piège. Mwambia sema, na mikulu yako te kanyanga tena paifashi. Ça on ne peut pas accepter. Il a tuezi kuchika. Dans ce message. Mui ujumbe. Dans cette église. Mui kanisa. Une sœur. Dada. Qui croit ce message? Baptisé. Qui fraternise avec nous? Et on a chiriki, pa mwana chiriki. Elle vient sans Philippe. Et qu'on a couya bila nguo avec ndani. Une robe transparente. Nanka nguo et qu'on onesha ngambo na ngambo. Juu ya kutongoza banduku. Ça, on ne peut pas accepter ça. Il a tué ce qui chika. Ça, non. Il a pas non. Ce sont des esclaves. Il va tout moi. Qui ont rejeté la liberté. Banesha kukata la uru. Il ne peut pas accepter ça ici. Il a tout ce qui est capa. Moi, je me crois en amour. Nous la chassons sans suivre même le procédure des écritures. C'est un démon ou les nishetani. Kama unaanza kuona maisha ya shetani inaanza kukulemewa. Lorsque vous voyez la vie des diables, c'est parce que tu as refusé ta liberté. Angalia msafari yako ya imani. Observe correctement dans votre parcours de la foi. Il y a un jour, l'homme takatif ilishuka hapa na upako ya nguvu. Personnellement, c'était Dieu qui me parlait. Mais tu as rejeté ta liberté. Tu as fermé tes oreilles à la trompette de ta liberté. Ou parapanda ya uruyako. On ne rejette pas. Aba katalaki. Les jubilés le même jour. Hein? Ah, jubilé shikuma amoya. Non frère. Pananduku. Quand le Saint-Esprit te dit. Katirom takatifu na kwambia. Repends-toi. Tubu. Abandonne ça. Achai. Arrange ta vie. Tengeneza maisha yako. Naisse de nouveau. Azali kwa batizo. Saint-Esprit. Batizo wa Roho Mtakatifu. Toi tu entends cela. Oui, on a shikia ile. Le Saint-Esprit te dit. Tu na kwambia. As-tu entendu? Et tu na shikia. Mais toi tu dis. Lakini wewe unasema. Ce n'est pas le moment. Ah, ile wakati yaenea njua ile. C'est fini. Kunaisha. C'est fini. Kunaisha. Tu seras maintenant anti-parole. Utaanza sasa kupinganisha neno. Tu es dans l'église. Oui. Toi. Unakuya opposant. Tu deviens kupinganisha les prédicateurs. Opposant. Tu es maubiri. Unaanza kupinganisha les prédicateurs. Opposant wa maubiri. Et tu es en train de contester même à la prédication. Lorsque dada. Un frère. Voilà nduku. Anapenda tu me corriger kiloko. Te redresser un peu. Ah, c'est busy. Moi venye ndio. Même là. Vous avez le Saint-Esprit. Nous, nous sommes les enfants du diable. Akika, tu es du diable. Esclave du diable. On est quoi, Moutoumou à Chétan? La correction. Aouchika qui kouara ka kounyolosha. J'ai rejeté la liberté. Unesha kata la uriaku. C'est vrai, frère. Ya kouerindoukou. Tu reçois un esprit d'égarement. On a pokea ro ya kupotea. Yo naanza kufuana bintu vibaya. Kumasu mena faire très mauvaise chose wa Thessalonica wa pire. Nous allons lire un peu les écritures wa Thessalonica wa pire. Grave. Tari. Grave. Tari. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2. Wa Thessalonica wa pire sura 2. Commençons pour aller un peu plus vite, verset 10 à 12. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oh, si Dieu les renvoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oui, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ceux qui n'étaient pas prédestinés, voyez, ceux qui ne sont pas purs de sang, ils n'ont pas l'amour de la vérité, ils n'ont pas l'amour de la liberté, la joie d'être libéré. Esclaves de démons, péché. C'est vrai. Ya kweli. 1 Timothée 6. Timothée wa pili sura yake ya 1 Timothée 6. Timothée Kwanza, sura sita, verset 5. Mustari yake ya tano. Des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Ma ubishi ya batu banesha kukanisa huko paka ubishi na maubiri. Dans l'église, il y a toujours des disputes. Avec les frères, vous voyez ce que le prédicateur a dit. Est-ce que vous trouvez ça? Comment? Marche avec un frère ou une sœur. Continue toujours à contester sur la parole de Dieu. Il est corrompu. Il est corrompu d'entendement. Kama unaendelea kuwa rafiki yake, atakozesha. Il va te contaminer aussi. C'est vrai, frère. Corrompu d'entendement. Privé de la liberté. Nous sommes très loin de vous, on dirait les matins et la nuit. Spirituellement, vous êtes dans les ténèbres, mais quant à nous, nous sommes dans la lumière. Physiquement, il n'y a rien, il n'y a pas de différence. Mais dans le corps, peut-être tu nous dépasses, tu t'habilles bien, tu manges bien, votre lit est orné bien avec un bon matelas. Mais dans le spirituel, nous sommes dans la lumière, mais chez toi, c'est dans les ténèbres. Et dans nos cœurs, nous avons l'amour de Dieu, mais en toi, il y a l'amour du diable, tes oreilles spirituelles, on a déjà percé ça par le diable, pour nous, Dieu nous a déjà ouvert. Il y a une différence. À qui n'y parle, Dieu, pendant quoi est-ce qu'il y a un jour, vous le comprendrez plus tard. Na utaelewa kwa mbele plus tard. Na utaelewa kwa mbele plus tard. C'est vrai, ma sœur. Mais voit quelqu'un même dans l'église. Il est devenu orgueilleux, médisant. Il est hautain. Il est en train de mépriser. En train de mépriser les frères et les sœurs. On lui a déjà percé son oreille. Esclave diable. Mwenye kuchafu kamna na kuchikia. Ayant l'esprit d'égarement. Mwenye kuwa na roho ya kupotea. Il n'aime pas la vérité. Achipende ukweli. Mapende ukweli ananayo. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. Et quand quelqu'un reçoit un esprit d'égarement, regarde ce qui lui arrive. Mwangalie mambo kani namfikia. Dans Romains au chapitre 1. Roma, regardez ce qui arrive à quelqu'un qui rejette la liberté. Il refuse de naître de nouveau. Anakatala kuzali comme anaki. Recevoir le Saint-Esprit. Romains chapitre 1. Wa Roma sura ya kwanza. Tunaanzia mstari yake makumi kwenda hata makumi tatu na moja. Jo kwa maana. Dieu les a livrés à des passions infâmes. Mungu alibatoa kumatama ya haya zaidi. Kabisa. Car leur femme ont changé l'usage naturel. Ma bibi yabo wanabadilisha uso yabo asili. Ah, celui qui est contre nature. Na ile inaisha kuachana na asili. Et de même les hommes. Vile banaume na bo. Abandonnant l'usage naturel de la femme. Banaisha kwa. Se sont enflammés dans leur désir les uns les autres. Banajivuna tu matama ya mwana na mwingine. Homme avec homme. Sabat mwanaume na mwanaume. Les choses infâmes. Bitu. Recevant eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Bo benye banaisha pokia mushara yabo inastahili kupotea kwabo. C'est vrai, frère. Ya kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ya kweli dada. Kama unaanza kuona bwana yako, ton mari, anaanza kupenda kutembea na wewe. Il commence il aime marcher avec toi. Il aime coucher avec toi. Anaanza kupenda kutembea na wewe. Inje ya ile njia Mungu alitrace juu ya mapenzi. En dehors de la voie que Dieu avait préparée. Ni alama ya kuonesha kusema. Son destin qui prouve que. Ni muntu anja kukatala liberté. C'est quelqu'un qui a refusé uru. C'est un serviteur de Satan. Ule ni mtumishi tu wa Shetani. Kwa bien mes frères. Unaona nduku. Quand il te fait des actes qui voient, il couche avec d'autres personnes, avec des sexes, le même sexe. Maintenant, ça y est, comme Marie, il vient chez toi, avec toi par des voies inappropriées. C'est un signe d'égarement. Ni alama ya kupotea. Les gens qui couchent avec les bêtes. Bale batu bala laka na banyama. Les hommes banaume, avec les hommes. Bale bala kula laka banaume na banaume, banamuke banamume, banamuke banamuke. Ce sont les gens qui ont le mépris. Ni batu bala kazarau ya ndoa. Ils ont le mépris de la parole de Dieu. Ce sont les anti-Dieu. Bale banesha kubena pinganisha Mungu. Kama we mwanamuke, si toi une femme aime ton mari, couche avec toi, en dehors de la voie, déjà corrompu, tu es déjà kuharibika, tu es déjà pourri. Oh, dans les mariages, il y a l'évolution. Quelle évolution? Oh, mundoa, muku kwendelea kumbele. Kwendelea kumbeka. Tu couches avec ta femme par derrière. Tu pisses ta femme dans la bouche. Ça évolue. Tu dis, kanile. Corrompu. Tu es corrompu. Voilà les salaires de l'égarement. Dieu te livre. Mon à des passions infâmes. Vous voyez bien mes frères. Non, on n'a parce que tu es anti-parole. Anti-Dieu. Irréligieux. Aouyamini. Les choses honteuses, c'est celles qui te poussent toi. Les passions infâmes. Ma tama yambaya. C'est vrai frère. Yakweri. C'est vrai ma soeur. Yakweri dada. Ukonalala na baimbwa, unalala na bandumba, unalala na batoto yako banaume, batoto yako banamuke, unalala na basemeki, unalala na bamwipwa, unalala uko nyama wa namna gani? Quel genre de bête? Tu es satanique. Uko toi qui shetani. Tu as refusé la liberté. C'est Dieu qui nous rend libres. Maintenant, comment tu as rejeté la vérité de Dieu? Tu es maintenant livré à des passions infâmes. Des passions odieuses. Des choses naturelles. Les choses naturelles ne te plaisent plus. Tu es devenu perverti. Corrompu, souillé. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Pour commettre des choses indignes. Lorsque quelqu'un apprend ça, même un homme normal qui n'a pas le Saint-Esprit, ça lui trouble dans la tête. C'est vrai frère. Rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, querelle, crise, malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieur au mal. Parce que tu as rejeté la lumière. Frère, Nuku. Haya, la honte. Haya. C'est une vertu. Ine kalaka ni uwezo. Qui ne nous empêche. Ine kalaka mutuzuiza. De vivre dans les décences. Uishi muaya mukukosa heshima. La honte. honte aya, nous empêche kutuzuiza, de commettre les péchés. Aya, zambi. Aya, la honte, c'est ça l'humanisme. Car la liberté à Christ, il est comme fatigué. Christ qu'on lui accorde, même l'humanisme n'a pas ça, il n'est même pas parmi les animaux. Il n'est même pas bête. Même l'humanisme, la personnalité, il n'a pas ça. Quelqu'un qui n'a pas de honte, il n'a pas de personnalité, il n'a pas de personnalité. La Bible dit, il se glorifie des choses qui causent leur honte. Des choses infâmes. C'est ça la conséquence. Quand vous rejetez la liberté. Naissez de nouveau, tu réfléchis. Recevez le Saint-Esprit, tu réfléchis. Nous renaissons. C'est là, il y a notre nous permet de grandir dans les choses de Dieu. De perfection, afin d'aller au Kamilifouine. Toi, tu refuses la parole de Dieu. Tu ne veux plus te répandre. Changer, tu ne veux pas changer. Que tu sois sauvé, tu ne veux pas les salut. Arrête les péchés, tu ne veux pas. Reçois le Saint-Esprit, tu ne veux pas. Tu es devenu corrompu. Corrompu d'entendement. Tu commets des choses infâmes. Des choses indignes. Tu as pas coustaïli. Un homme normal qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas à mesure de le faire. Même le bête, tu ne sont pas à mesure de le faire. Mais toi, un homme, tu le fais. Pourquoi? Parce que tu as rejeté la liberté de Christ. Et tu as accepté les ténèbres de Satan. Ma guise à Satan. Et le diable te dit, tu es devenu maintenant malin. Le péché ne sont pas les malins, ce sont des insensés. Tu couches avec tes belles soeurs, tes beaux parents, tes cousins, tes nièces et les enfants que tu as engendrés, tu couches avec. C'est quel genre de femme, quel genre d'homme? Tu t'habilles d'une manière que tu ne contrôles même pas. Les choses qui sont normales, on dit ça, tu n'as plus honte. C'est vrai, frère. Tu deviens anti-parole. Dieu enseigne à ses enfants. Tu es opposant de Dieu. Tu te rends dans des discussions avec la parole. Dans les raisonnements avec la parole. C'est vrai, frère. Yakweli ndoku. C'est vrai, ma sœur. Yakweli dada. Mungu ambariki. Voyez. Naon. Kukatala sauti ya Mungu. Refuser la parole kukata de Dieu. Kata liberté. Refuser uru. Satan kukutobole mashikio. Unakuisha. Satan si te percer l'oreille, ça n'est fini. Kukanisa tanza kuya. À l'église, tu viendras. Leo kuna fana bintu vibaya. Mais en faisant des mauvaises choses dans la dissimulation. Jusqu'à ce que tu vas vraiment t'animer du péché et même les démons vont commencer à crier sur toi. Et c'est alors que tu vas quitter pour aller te pendre. Et ton histoire va s'arrêter par là. On ne se moque pas de Dieu Ndoku. Quand Dieu place sa loi, un effagne pour notre bienveillance. Il est fait avec bienveillance. Un effagne à ma pendo. Non. Dans notre intérêt. Ma faïda yetu. Comme nous l'avons déjà montré. Avec il agit avec bienveillance. Tout ce que Dieu nous demande, c'est dans notre intérêt. Il y a ma pato yetu. Voyez. munaona uhuru ni juu ya mapato yetu, wokovu juu ya mapato yetu, utakatifu ni juu ya mapato yetu, utakatifu ni juu ya mapato yetu, matunzo ya milele ya manafi yetu ni juu shitupatie mu eko ye ni wa milele, ye ni mutakatifu deja we juu anatafuta bujuu wa milele. Ou alors faut organiser ça. Tu peux pas t'absenter à l'église. Ouais. Si. Je suis en train de l'aller. Et après un temps, tu vas partir. Et Dieu vous bénisse. Ou un bariki. Mais il y a conséquence, il y a qu'au Katala. Vous allez quoi mal à y avoir. Matouké Mbaya, le refi de notre Dieu. Et refuser l'évangile qui vous interdit au péché. Aujourd'hui, on vous interdit. Les Saint-Esprit arrivent. Arrête, arrête. Tu commences à haïr seulement les prédicateurs. Les gens que tu l'as envoyé pour lui aider, il est en train de les critiquer. C'est fini pour toi. Aïcha. Lève-nous pour la prière. Tushima menjwa kuomba. Unaanza kuvuala bila contrôle. Tu commences à t'habiller sans contrôle, bila kujangalisha. Ce que tu vois chez les prostituées, dès qu'on a voilà, s'habille, leur accoutrement, c'est ça qui devient votre passion. C'est fini. Si tu regardes un petit modèle de prostituée à la télé, tu adoptes. Si tu vois une prostituée en cours de route, tu adoptes ton accoutrement. Yesu anesha tangaza mwaka ya jubile. Na tuko mjubile ya mwisho. Dans les derniers jubile. Mnaona namna kani ndiko. Kila kita miaka saba. Yave. Kurukuyaka. La trompe de liberté. Parapanda ya uwe. Avant d'arriver. Mbele ya kufika. La Pentecôte. Pentecôte. Nous sommes déjà dans le septième âge de l'église. Tuko mkizazi kia saba kia mwisho. Et c'est ça notre dernière grâce. Si vous échouez de notre nouveau et recevoir le message dans ces messages que Dieu nous a envoyé à travers son serviteur William Branham, ça n'est fini pour nous. Même si tu es ici à l'un dans le groupe de prière, ce qui est ici, aller dans les tonnets sont révélés, tu es ici pour aller Manu Moupia, tu es ici pour aller Mbappé. Jamais tu seras sauvé, ça n'est fini pour toi. Tombe. Seigneur Dieu, ta parole est la vérité. Christ a trompé.